Ce jeudi, pour la dernière émission de la première semaine de la dernière année de la première décennie du premier siècle du troisième millénaire, on parle du plus récent numéro du Zone Campus avec le rédacteur en chef. Il me semble que ta partie est plus facile à dire. Tout ça à Assemblage requis, la quatrième émission de la journée et la 3750e depuis notre première en 1972. Pas pire, mais t'as oublié de dire que c'est à 15h.